nit ki dañ koy manam talibé la manam talibé la dans le sens moy dañuy njort ci mom né sakku katu xam xam la té ku am yitté la ci diiné su fekkenté dañuy njort ci nit ki ku mel non il faut que ñu sét bu baax ana kan lay utiliser baxam manam laminam ana kan lay tek ci kawam turu cangu yoyu non manam turu yoyu di tek la ak cang akuk kilifté ci walu diiné ci nit ki nonu tamit talibé do warna am xorma tamit ci ñi nga xamanteni ñoy kilifa aduna itam niki nonu manam bu buy jëfëndiko warul di jëfëndiko mo yo xamanteni ay day wané né manam ki dañ ko doyal comme ministre ab ministre wala président wala maire bi dañ koy jox touram manam dañ koy jox titreum dañ koy jox tamit titreum parce que lool tamit dafa bok ci manam comme li nga xamanteni non lañ ko indé won ci xew وعيد بن حجر رضي الله عنه أجنت بصلى الله عليه وآله وسلم والله أعلم بسم الله واو فقنا فف سلعي تجيني لأي دوغو تي مسألة فقهي إن شاء الله فقنا بوشي نجاك بي دانجي جيسي موي نوكو خدس بي عندي موي موي نوتنجل لا تكونتي واو مسألة bu ci ndek bi moy nuko xalif ande rek moy ndabal wul ak ndabal or ak ndabal xalif lek ci wala nan ci dafa haram te ijmala ko ci borom xam xam ni bamu dess ci waxu imam ash-shafi radiyallahu ta'ala anhu ci dañ koy asale ci khawlu qadim bi mu waxon ni waw ni ki rek mo ci bok quoi ki xalif dafa ne nan donc lek bokku ci lolou lañ ko asnalé mo ci xawlu qadim ñu ko wax mais danaka légui actuellement dañu link sax souligné quoi ci wax ñu parce que waxe ñëk yi mo joton wax la donc waxi mujj yi ñu tey en compte ci hadith ci règle bobu waxon shafi ak daoud az-zahiri daaw ak waaw imam daoud az-zahiri wax mo na fi tamit ñu boole ci kuddu yi ak cuillère yi fourchette yépp nga xamanteni c'est en or ou en argent tamit day dugg ci atami dafa haram ni defandiko ñu ñu ci ñaaralu reg ni ki non robinet yi waaw robinet effectivement robinet yi lavabo yi et tout safala yi yep ci ci dañ ci duggalé ñu ñu ñine est-ce que ben règle moy est-ce que récipient yoyu manam double or ak argent yi est-ce que mënu ñu sék defandiko ci leneen lo xamantene du lek ak nan manam ay acte yo xamantene ay ibadat la manam ni par exemple c'est pour japp ba pour teud ci ba pour sangu janaba réponse bi moy dafa haram mu moy abiyu jumhurul ulama bamou dess ni ko xon imam daoud az-zahiri rahimahullah mom dafa ne effectivement comme hadith dafa ne ci lek rek ci nan rek la yam donc lek du ko ci bolé mom fof nak comme nan lay wax nank yemal ci nan bi mom mo wax lolou mom imam ad-dawr az-zahiri rahimahullah te imam ash-shawkani rahimahullah jappay nako bu bax ci nayul awtar mom koy shara benen règle bi troisième bi moy est-ce que fekente dama japp ci ndab bo xamantene or la wala wurus la est-ce que day lolou wala khalis aw or la wala kharit la est-ce que day waral sama japp bi day fay yaq am dit est-ce que day waral japp du bax lolou dafa ñu delo ci benen qa'id buñu ton gis ci hadith 5 bi moy halinahu yahdil fasada am la yahdil fasada am la moy est-ce que limi téré sharia bu téré ben tay am bir est-ce que téré bobu day waral jaamu yalla bu daal yaq lolu lu ci tontu moy japp bu mi japp dagan na waye def na lu kharam manam bu jele ap satal bo xamantene c'est en argent wala c'est en or mo ci japp yep bu respect ni mu waré yep amna japp sauf que dafa def lu kharam parce que dafa japp ci ndabal wurus wala argent lolu nak moy majorité jumhur bam dess zahiri ak majorité hanabili mais ci no malikiyyi hanafiyyi ak shafi'i ñom ñu ci bari ci ñom ñom ñoo and ci abi bobu moy abi bu noor bi moy dafa haram moy def nga japp gi setna mais waji def na lu haram japp bu baax wala japp bi baax na waye waji def na lu xamantene def du haram na wa ba bi moy wa manam question bi mu traité bi moy tay su fekkentene dama yor robinet bo xamantene or la wala xaliss wala ma yor satala bo xamne or la wala xaliss la ma di ci japp ndax sama japp gogou bu mako jappo baxna wa wala det ginnaw biñu xamé ni haram la lolou mom la la wax ne la da fay delu ci mas'ala bi nga xamantene moy mas'ala usuliyya la te moy halun nahy yaqtabil fasad am la ndax buma téré buñu ma téré dara lolou day waral automatiquement ne lolou ñuma téré sa yu mako jëfëndikoé tout le reste manam conséquence yépp day annulé wu manam dootul nekkati jaamu yalla gu bax wa wala dé lolou lañ wax ni budé ci jaamu yalla yi fi ni mas'ala bi exactement manam ak li aju won ci mas'ala usuliyya bob lolou traité won nañ ko ci lan hadith 5 mais li nga xamantene moñu concerner fi mom moy dañuy résumer mbir mi né comme ni nga xamantene non lañ ko xamé won ci jumhurul ulama rahmatullah alayhim te moy hanafiya malikiya ak shafi'i rahmatullah alayhim ñom liñu wax moy né du ko yaq bam hanabila yi rahmatullah ñom ci seen majorité dañ ni en kañ daf ko yaq manam lool c'est comme si tay ma saccé yire sol ko ndax yire bobu ma sol le fait que mu mour sama awra buma julé julli ga dana bax wala def wala ma jël keuru jambour manam man nangou keuru jambour ndax place boba xam nga nek gama fay ne dafa haram mais est-ce que suma fa julé julli ga dana bax question bi fofu la nek manam légui suma ko defé li ëpp ci borom xoxo rahmatullah dañ han kay dana bax parce que da konté wul ak charte jaamu yalla bi charte jaamu yalla bi manam nat fofa dagal bokku ci sauf que hanabila rahmatullah alayhi bok ci mbolam jaamu yalla yi charte moy la ngay jaamu yalla da wara dagal ñom hein ba waaw man ko ci pose par exemple question comme bon xam fa ni wax le mo xam way ñu terele ñaar tekkel bu rek le gëna dal sa xel da nga gëna woor man dima gëna woor man donte le maliki yalla nawa yakar inna allaha tayyibun la yaqbul illa tayyib yalla ku tay la ku bax la lepp lu ñuy jamo yalla rek dafa wara dagal man ci sama deg buma sacce ci mbubu jambu mbubu daan ci man ma jëfale ko ko ci la su fekke ne ci sama gis gis la wax mu ngay wax ñooñu ma fa xam xam waye man li gëna dal sama xel lepp lo xamna ni bu fekkee ne dañu ne satala bi wuruf la jëfane ko ko dafa haram bu ma ci jàppee yàlla bu ma ci jàppee jàpp la pour man dagal dafa am différence bu borom xam-xam yi tëral entre li ñuy wax af sixatu ak alqabul af sixatu mooy wér waaw loolu ñun loolu lañu géré moo tax nga gis fuqaha yi ak usul yu ne rahmatullah alayhi biñu traité mukk ndax li nangou nañ ko wala nangou ñu liñuy traité moy ndax wirna wala wiru légui donc lool moy ci kon donc ci question bobu lañ ne manam moy ndax wirna wala wiru deug la inna allaha la yaqbalu inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ak amna aya bu ko wax inna ma yataqabbalu allahu minal muttaqin yalla ñi ragal yalla rek lay nangou mais kon question wu nanguna ak question wirna ñaari question duñ ben question yi nga xamantene mom lañu nek wir mom lay wir yalla ko xam non deul lañuy nangula yalla xam lay wir mom la fuqaha yi di traité wa ba tay wa voilà manam li voilà ya wa ndax voilà parce que mën nga def lepp mais yalla nanguk yalla mo am solo ci jaamu yalla fofu nak la tasawuf di duggé manam ahlu tasawuf ñom question yoy lañuy traité manam xol nan ngay selale mbir mi deug deug ba nga xamantene li nga xamne moy natija bi manam resultat bi mu wara indi ci xolu nit ki ci ay leer ci ay tiyaba ci ak selate ci ak jegeñ yalla ci ragal yalla ak resultat yoy ñom wa tasawuf lolou lañu traité masala yi nak nga xamantene mom lañ nek ay masala fiqhiyya la manam question fiqh la wa pose question à Cheikh Mokhtar aussi du malaj oskul ci domaine yow les qui dafa sacc comme ci lolu nek mom la ci dafa sacc wala dafa gagné permis wala xam nga jëm alal dagal na wala man sama alal bi 2 euros la bu 2 euros yoy lewna léwna ma wala léwum ma suyé ci carte ma def ko laccé néna mo suyé ci gagné légui na xaar bobu néna mo mu dem ci mak ndax jëm mi dem mak ja aram na jëf jëm ci jaamu yalla lu tax yalla du ko nang ak lool légui nak lool comme question bobu non la ma dugal ko ci yeen laaj dañ ko wa question yoy comme ni nga xam tane non lañ ko waxe won xamna ni ñi def moy dama lay après dama lay jox waxtan bobu ñu defon ci lool parce que question bobu traité won nañ ko ci yaatal ko manam masala bi ak ay exemple yi ci aju yaatal won nañ ko ci place bobu inshallah légui ni ñi def moy dañ koy bayyi mu continue suñu paré inshallah légui après ma yonne wala soxna madar légui nga wax Aladji Fallo mu jox ko fiñu kess ki masala usuliyé yi ni traité won ci hadith 5 inshallah boko deglu question yoy ak yi tourné autour wouté yi ci borom xoxum yi wouté sen ay dalil manam tektal fan lañ tek sen wax ñoom ñep yoy yep ding ko gis inshallah muna am mom laaju nek ko xamu parce mom jangale kan alim lu min ulama dafa gis lu ko jaxal mu bëgg dugg ci lolu fekkon na ko xamul la dana na suma démé teul nga yonne mom mo lijeenti ko pour xam wa alim ulama dara sa fu hada wa ak li la yaakar ak li mom la gëna dal sama xel yiñ fi wax yépp ay wax borom xam xam lañuy wax donc ci kaw lool li amana na li nga xamantene mo gën moy ñu bayiko mom mu yékké après inshallah parce que ñun ñi yag nañu depuis ay année ño nek ensemble donc yaakar na problème bo posé wu fi xam nga mañu ñu kontan ba ci jëf wa tu wala après xamna bu ñu jëlëte bu ma xamna bismillah waaw xamna ñu yeggal inshallah waaw mu jël ñu yeggal ci benen point bi ci yeggal fiqhi ñu ngon ci yeggal fiqhi ba tay legui dañu waxon ni téré yi ñi téré ku naan ci ndabal urus ma ndabal khalis yoy yep wala di ci japp yoy yep concerne nak takay parce que takay ak ka yi xamantene ay khat khat la manam bo nekk ci khat khat nga nekk ci ko xamantene respirant bi or la wala khalis mais amo foko soti amo fayen ko soti ndox mi xamantene def ka externe mëno fa mëno am benn solution né lañ ka yoy bokul ci yi ka manam ka yoy meñnalako ndax qaida fiqhu fa qaida usul mak bobu ñu wax ni al mashaqqatu tajlibu taysir bobu motax da gennu ko may wa dafa amna masala yo dafa non yo xamantene am solo la te dafa non ni bayyi nga moy li aju ci yenen mbir yi nga xamantene def nuko jëfëndiko yu déme neké yi manam yi ñuy tuss ngolu yi muy def ak yu déme neké andi ak yu mel non yoy yep manam ci or ak khalis mënu ko ci jëfëndiko té yoy tamit ay ci yu am solo la ñoom waaw ñi ñëw ci benen point moy bu féké té ndab yi dafa rax manam ndabu urus yi ak ndabu khalis dafa rax soit wëñ fërëm wala mu rax cuivre wala aluminium wala yim di demé non lolou tamit dañu waxone ni atti bi tamit moy dafa haram dafa haram ci atabi bamu dess ben cas bu précis bo xamanteni dañ ci gis ci hadith bu jimi inshallah ma ci gëna ci ñak tandi cas précis bobu rek inshallah lañu lañu wax ni bobu peut-être amna ay tekantal waye waye lu ci luñ ci mëna wax moy dafa haram mën fekkete dafa rax ci ay yeneen mito yi alors ben règle bi moy est-ce que yeneen mito yi yo xamanteni du xaaliss du or est-ce que mën nañ ko jëfëndiko wala dess manam ay melni ay aluminium ay jama marbre ay calcaire émeraude ak yeneen ressources minières yépp ndax mën nañ ko utiliser réponse moy tontu bi moy borom xam xam ñom ñëpp dañ ci unanime ñom ñëpp duñ ci dépôt ni loolu tagal na mën nañ ko utiliser benen point bi moy lan moy def particularité or bi ak xaaliss bi lamo tax ñu daay wax cité nommément or ak xaaliss cité wu yeneen météo yi lan moy particularité lamoy def particularité ñaari météo yi ñu cité wa bu ndik bi dañ né ci premier hadith bi parce que dañ ko téré parce que yéfer yi ñom ñokay utiliser fi ci aduna lamoy particularité bu ñu gis ci premier hadith bi moy yéfer yi ñom ñok mum fi ci aduna motax ya koy cité nommément bobu non ci deuxième hadith bi le fait que effectivement mu nek lo xamantene boko utiliser ña day don genre tak tak bi nek sa bir bi gor bu xorxori voilà du jar wa mona inna ma yujarjiru moy comme lu xalis waxe rek inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam lol moy particularity yi ñu jottone andi benen bi tay moy ben particularity buñ andi moy or ak argent fa nek ay marque yo xamantene ay signe d'orgueil la signe ku koy tak goor bi ku goor gi ay signe d'orgueil la manam kuy imagine toi nga gis ko xamantene day yor ay lal wurus daru khalis bi ci poukere wo en fait munu ko jurel mu nek quelqu'un d'autre comme niñ ko gisse won rek ci firawuna mu melone ak ñun ak bapo bi moy wa banu israël mu nekkon nepp de ko ci touré ci ko ak ay ornement yo xamantene ay wurus la yoy yep donc mën na tax nit ki daldi reuy di xol ñeneen ñi bëtu soufel ben aussi moy mën na tax aussi mën na attirer jalousie wu pauvre bi manam nga dëkk ko xamantene pauvre la amul mu agné wala lu mu réré yow nga am ay takkay wurus wala nga am ay lal yo xamantene c'est en argent c'est en or lolu mën na tot xolam bo tax mom mu attirer yeen jalousie quoi té bokku ci téggine wa yoy moy ñu ngi ton cité ci particularité or ak khalis benen masala moy bok na ci ñu waxon moy ne khaliyatu ahli aljanna la manam takkay wa aljanna comme li yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam mali ara alayka khaliyatu ahli aljanna lan motax ma gis ci takaw nga takkay wa aljanna ak innama yalbasu hadha man la khalaqa lahu fil akhirah li ni koy tak rek moy ni nga xamantene lan amuñu ben ciir Allah fara ci goor amma ci jigen lol dina ci ñew waaw dina ci ñew waaw bam lay moy point bi stop sa day moy est-ce que moy point bi top moy ci bien ci règle batay moy est-ce que amma limu jundion sank ci walu reuy geek yoy manam dafa wouté tegginu ak jaamu yalla manam le fait que nit ki wara nek jaam wacc bopum ci karamu borom dafa wouté mom waaw ben reuy moy est-ce que yere en soi ak takkay yi dagan na am det ñu waaw yere en soi dagalul ci cour de même que takkay en or wala khalis dagon ci goor sauf permet nek ci goor mu am jaaro bo xamantene warul dépasser 6 grammes bu yegge ci 6 grammes dañ ko sip bu ko dépasser dafa haram lolou ñu xon ci goor harib soit moy harib ci arab harib dañ ko haramal mais nak permet nek ko ci jigeen ñi soxna yi soxna amna droit sol soit amna droit tak ay takay or wala argent bu fekkante pour beugal borom keureum la mais waxnu ko pour muy genn ci jabonte dina mako dik ci poukere wu yoy tamit leer lañ ko ci benen masala da diko deme gam la bekk waaw lool mom la tudon dibat mom lañu xam mais yoyu soit la patay mais yi nga xamantene soit yoyu dañ koy defare soit mbaj souvent mom lañ koy faral di defare voilà lool mom moy dibat biñu wax mais teki wul nak parce que moy tamit dafa jara baye xel parce que ñun leg leg am luñu tuddé soit fekk du soit tour bi rek lañ ko dox lool tamit lu mata baye xel wa benen règle tam buñu gissone moy est-ce que madame mom la hadith bi tambalé la talbasul harira wala dibat wala tashrabu fi anatil fiddat fi anatil zahabi wala fiddat wala taqulu fi sihafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah manam parti bu ñëk bi comme intéressé wul woon buntu bi moy babul anya te al hadith ibn hajar rahimahullah day baye xel day mam day samonté manam dafa wax né daf ko teunk manam muxtasar lako tuddé manam kon da fay teunk deug mbir mi ci bir lolu day dag li nga xamantene manam mom moy parti yi nga xamné intéressé wul buntu bi nga xamantene fi la né waaw muy benen buntu masala buñuy gissat moy ndax table yi ak lal yi bu fekke dafa nek or wala khalis est ce que mën nañ ci teudde manam mën nañ ci jëfëndiko lolou tontu moy dafa haram batay même fekkentene ci jigéñu la sax tamit dafay haram ci ñom ñu am lal wala table bo xamantene c'est en or wala c'est en argent même ci jigéñ manam ndax liñ ko woyé fa la lol manam takkay pour takkay bi c'est parce que lolu dafa bok ci nga xamantene day defar digeentem ak jëkërum ngir mu wala taru ci kanamu jëkërum ak yu mel non yoy motax ñu permettre ko daganal ko mais daganal luñ ko ko pour muy dem ngenté wala bo ñu amé xew mu fay dem wala muy dem gam di son yoy di poudre ko yoy non même yoy da ngeen di xam ben affaire taru jigen pour jëkërum point ba ñu ñëw ci dernière règle fiq buñu gissoon moy est ce que bracelet en or yi wala lamu or yi bag en or yi wala pour goor sax d'ailleurs wala brada yi en or wala yeen xamanteni ki jëfëndiko en or et en argent ndax mën nañ ko ginnaw mënu ñu ko utiliser pour ci jamm yalla est ce que mën nañ ko jaay lool ben masala lu ñu defal tonte bi moy waaw mën nañ ko jaay ndax té mën nañ ko xelli manam mën nañ ko transmuer en français da koy xelli da ko utiliser pour d'autres finalités utiliser pour yenen bo tax comme niñu téré won lek mba ci def suñu yenen ibadat yi mais mën nañ ko jaay da koy transmuer pour d'autres finalités pour yenen inshallah alors mo nekkon règle bu mu djibun gisoon xala la ñew ci masal usbuliyer yi inshallah xala fek ko fa mën na mu ci and rek mu ci teunk ko no baax en tout cas waxon nañ différence bi nek entre yow yakarna ya ko la do entre lo xam tane mom lañu tuddé matli ak luñu wax muma wax différence bobu non ñu indi won ak yi nga xamantene manam ñoo ci dagan ak yi ci dagan lu yoyu leral lañu ci detaay bi wa ñu ñoo ci masail usul yi inshallah wa bu ci nekkon gis moy al-alfazul tahrim manam fekke baabi non la siyahut tahrim siyahu taqrim mom lañu gis moy regal bu nekk buñu gis ci masala usuli moy tamit an-nahyu yaqtadi at-tahrim moy en règle générale moy lolou lañu gis ci en règle moy règle générale ci liñu gis ci première règle usuli yi ba mu dess ci yenn cas yi précis rek waxon ni sank ci hadith 5 bi inshallah wa hadith 5 bi tam leral won nañ ci li nga xamantene mom mo aji won ci siyahul nah siyahul tahrim manam yal expression lañuy utiliser nga xamantene bu ko alcorane utiliser wala yenen ci sallallahu alayhi wasallam utiliser ko dañuy xam ni li dafa haram lay tek bok na ci nak formule yi nga xamantene mom lañ indi ci sunu hadith bi moy le fait que mu utiliser batu la an nahiya la bi nga xamantene day téré bokku na ci tamit ban qiyasul awla amna benen le fait que mu ta'lil manam mu exprimer hadith bi ne nangam day kuko def punition sangam mo la ci fek ci lañu xamé ni lool da xarab wala batay ci ci règle usul yi gisone nañu tam qiyasul awla ak qiyasul jalil wala waxon nañu tam lool yu parti la ci mafhumul muwafaqa muwafaqa manam lool ci bopam manam lool ci qiyas la qiyasul jali mom lañ koy wax qiyasul awla imam ash-shafi'i rahimahullah mo tuddé non moko tuddé qiyasul awla dañ koy wax fakhwal khitab manam bu boba lool mom moy maw manam parti la ci mafhumul muwafaqa manam lolou précisé won nañ moy su fekkante ne exemple biñ joxone moy ko xamne la dañ ko lat dañ ko téré garba voilà garba manam moy kon dañ ko téré mu dem mu jël téré buñ la gis yow garba bu ma la fa gis lolou moy téré la wa wala taqul lahumā uffin bu len wax cim wala tanharhumā bu len gëdd sa wajul lolu moy bu len lan bu len door manam qiyas awla manam qiyas jali moy fakhol khitab wala wala ah lolu nak fiñ ko jëfëndiko won li taxone mu concerne hadith bi lolu ci dalil yi woné lan motax di ci japp wala di ci japp di ko utiliser pour lenen lutax ñu téré ko au moment où yannabi sallallahu alayhi wasallam lan la téré lek ak nan lañ xamé ni kon japp ci baxu dafa haram nan lañ xamé ni utiliser ko pour tous ngelu dafa haram nan lañ xamé ni utiliser ko comme ciuray dafa haram et cetera nan lañ ko xam moy qiyasul awla moy a fortiori après voilà moy a fortiori c'est comme li nga xamantene dañ koy faral bi jëfëndiko manam li moy parce que lek ak nan lañ ëpp lu ñuy jëfëndiko ndax donc té lool li aajo le nit ki gëna aajo parce que bu ko deful day dé voilà c'est comme lool lañ téré nga jëfëndiko ko andak limuy liko nit ñi aajo yépp a fortiori le nga xamantene voilà yéggul ni koko wacce jamo yalla dina naw loolu xam nga dagal na bok damay lañ tax jang wa lool mom moy inin dafa shartu fal masrutu muntaqilu wa lool lay laj lool la voilà inin dafa shartu voilà fal masrutu muntaqilu legui ndax legui question bi yep moy lan moy ndax loolu chart la ci japp wiru japp wala dit est ce que chartu japp dañ ci bolé ndabli ni la ndabli dafa wara dagal est ce que loolu question bi fofu la delu question bi fofu la dal mais xiaté wu do lol bokku ha bokku ci kon nak japp kon wirna yaangi dogu ñew lol nak lol moy won tontu bi nga xamné lol la soxlo won non wa wa du lol su dige non wa moy yaangi ñew oustad bi nga xamné fofu lañu soxla xam nga tay déjà ba nga délo ci suratu shihati wudu fekko ci lola ha kon yow mën nga deug ne kon wër na lol faqih la tay manam xam xam bi nga joxe ni lol la ni li do ko wa wa wa non mais c'est que wa question bob non manam xam nga ci lañu tambalé won bo setlo bu fekké dañ xeyna kon donc déggul won mais biñu tambalé ci masala bob lol la ndik wax manam né comme bokul ci charte yi nga xamantene ci le mbir mi baxé lolou mom motax après ñu dogu continuer suñu raisonnement fofu manam phrase bobu lañu dikon tambalé voilà ci affaireu sihha voilà ak qabul voilà voilà ah ah mas non question bi non question bi yakana bi ñu tambalé bi ñu fi wona ko non question bi biñ koy tambalé seug da ko déggul mom li duma neex la lool li ñu wax ni lool moy xam na ko dégg xamné lool wax parce que lool manam mère hikma xam nga hikma moy xam xam non la manam bo jëlo ci usul ba rek yow do fekk lay yaq lay tax ñap yu logo comme fa gëw comme kene nga lool né ni man ak ko na alhamdulillah masha Allah alhamdulillah jazakallahu khair subhanallah waaw di ci meñ dama ci règle usul yi né atté atté sharia yi mëna am cause yi bari loolu gisam nañ ko ci règle yi manam mëna am par exemple premier hadith bi lutax ñu téré ko amna ay sages yi bari ci nek mu ñëk lu hadith bi ñëk joxe moy pour le yéfer yi la fi ci aduna pour yeen la wala ci al-akhirah donc loolu cause bobu rek mo na day sekk rek pour légitimer lu ñu sallam wax mais mën na am yeen cause yi xamantene mu ngi ci biir hadith bi donc li ñu jangon ci wax no ci rek usul yi moy até fiq até islam mën na am cause yi bari lu ñu gis ci benen point bi moy al-wala manam affaireu le fait que julit bi ak yéfer bi daldi outé ci lu bari comme ñu ngi andé ci hadith bi règle bobu tam fi mu dikk comme niñ ko gissé moy le fait que ñu bëgg xam lan moy cause bi tax ñu haramal ndabal or ak ndabal xaaliss bu fekkete ni gis nañ ko ñu xol né amna ay cause yu bari comme yiñ lim sank dañuy xam né nekete ben acte sharia mën na am ay cause yu bari té wuté exemple biñ joxé won ci ñiap yi ko mëna tot warna mëna bari mais ben yon lañ lay japp do wa par exemple sangara ak maysiri biko sa borom haramale cause yu bari lako dox et cetera wallah bismillah ma ngi ñu ci bu mujju bi règle bu mujju ci suli moy al wala moy julit bi ak yefe bi mën ñu nek ay parando mën ñu nek ay allié comme ni ko hadith bi ande ci fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah donc fofu dafa am ay beuri yo xamanteni dañ ci jangal ni yefer bi fetu par exemple fetu yefer yi julit bi mën ko def fetam melni ay noël ay fin d'année 31 décembre ak yeen fet yo xamanteni yefer yi ko mom lolu inshallah bo yeen salam da ci waxon beuri ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhu ci walu par exemple boy julit and ak julli ak sa tanku nen mo gëna deppok ak toroxlu ci sa karam borom yeesu sallam dafa na deen julle seeni dal ndax ulul kitab yi manam nasarari ak yahudi dañuy julle seeni dal waxon aussi ni sahaba yi deen tent seen karaw parce que ñom ulul kitab yi manam yi nasarani ak yahudi duñu tent seen karaw waxon aussi yuji dañuy bayyi seen sikimi ay wangi seen nanu yi ndax ñe manam yi ahlul kitab yi ak yahudi buñ ko faal du def yoy yep da fay marque ay yo xamantene ay défense yo xamantene pour marquer rek le fait que yéfer ak julit mën ñoo nek wa mën ñoo bok ay bi ci gëna siiw moy qibla nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam bëggul won bok ak qibla wa sax kad nara wajhu kat wa kad nara wajhu kat dede kad nara wajhaka taqallabu ha non na taqallabu wajhaka kad nara taqallabu wajhaka fi samaa fala nuwalli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram okay wala mo ko waaw fute barakallahu kon amna fofu lañu yam ci usul amna ñu baye seen bi inshallah wa amna benen règle bo xamantene dañ ko faté won moy al jazaa'u min jinsil amal manam moy pay al jaza pay min jinsul amal day nek ci genre djef gi nga djef manam comme fi buñu gisé hadith bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf na alladhi yashrabu fil aniyati fidda in fa inma yujarjiru bat fi batnihi nar jahannam manam nga gis ne ki nan ci ndabal khalis manam day def jur ci biro lan safara jahannama manam moy euleuk comme ni ko xamantene non la ko benen ay wax alladheena yaquluna amwalal yatama ful man sanama yaquluna fi butunihim nar ni nga xamne dañuy lek alalu njirim ci togn len li wer bo wor moy lan manam li am ba dess moy li rek lañu def moy sen bir liñ ci lek moy la wala safara jahannama manam ko ñu gis na fay gi len yalla fay dafa fek liñu def motax manam comme que dañu lek wala ñu nan ñoomit buñ leen dé fay manam té loolu baaxulul ñoomit buñ leen dé fay lañ leen di fayé moy lek moy loola manam moy lek ak nan gog proportionnel wa proportionnel ci bob niki nonu loolu dañ koy gis ci sharia ci yu bare bare masalan ku sacc ñu rag loxo bi day gis né comme que loxo bi la jëfëndiko ñu sacc ñu rag ko comme ni nga xamantene tamit lolu lañu gissé par exemple comme hadith yi waxne ki nga xamantene par exemple day jëw nit ñi nga giss mom manam ñu diko fayé wala ay alcorane bi sax wax manam ñu fayé ko muy lek comme que day lek dara dafa melni bi muy jëw nit ki daf doon lek li nga xamantene moy reputation am ak deram ak deretam niki nonu manam non la ko yalla fayé gissoon nañ tamit ci proportionnalité yi nga xamantene manam ñom ñoo am ci walu gogou non comme ku yaq deru nit qaz bo waxe nit ne diw dafa jalo wala yoy door yiñ lay door xam nga dafa proportionnel ak voilà ak parce que deru jambour nga laal voilà et cetera legui mu dess fi ben masala bo xamanteni waxon nañ ko te mom wax tuddu ko moy alamul jahl manam sa borom subhanahu wa ta'ala ni mu bindé def ay mbir yo xamanteni dafa am day jël mbir askane la ko benen mbir manam def ko ngir benen mbir lo xamne en réalité comme dañ ko dañ wax tamit alamul misal alamul khayal ak alamul maana ak alamul barzakh solo niveau moy nit ki buy lek dara manam haqiqa mbir bi dafa am benen réalité bo xamantene mo gëna profond réalité bi ngay gis ni rek nit ki su nané lo xamantene da ko nané ci or wala khalis en réalité deug deug mbir bi namu nek moy safara na nek di nan dako yogul mais lamu ne deug lool la comme ni nga xamne nit ki bu jewé nit en réalité haqiqatan lool la nek di def lu réel la moy ne dafa nek di lek nit ki ci bopam niki nonu nit ki su amé yéné comme ne namal a'mal binir namal kulimir man wax nit ki tamit yéné manam dafa am réellement bu yéné mbir pour djëf ko da ngay gis yéné bi day génn am ben forme bo xamantene day am forme ak xet mo xam lu bax wala lu bon mu mel comme genre mbuss nga xamantene jëm ji day rafet wala mu ñaaw niki non day am xet gu neex wala gu nakari proportionnellement ak ni yéné di mel mu dok ci duggal djëf ci loolu mom moko yékkit ilay yasalu kalmu tayyib wa amalu salih yarfa manam yoy ay realité comme ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam waxne aljuma day ñew yowmal qiyamah nek jigen du rafet comme mel ni mu misale de comme xar mo xamantene am kuy la kuy mu wex et cetera bu lere ak yenen ak yenen wala ala kulli hal kon lolou yeb manam ay mbir la yo xamne haqiqa moy haqiqa mbir yi ci sen bop bokul ak rek li nga xamantene moy awami lolou nak mo différencier entre mahjub moy sans masque am dañ leen di ak nga xamantene mo lay tudde mafkhuna alayhi ko xamne yalla daf ko ubbe ñom dañuy gis réalité mbir yi ñun nak dañuy gis réalité mbir yi dañuy mëna xam go xamantene dañ koy jëlé ci texte yi wala ñu gëm gu degeer ci ñun mais duñu jakarlo ak mbiri deug ni mu nekké par Allah ta'ala.